Bonsoir tout le monde, bonsoir, soyez les bienvenus, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'entrer, merci d'être venu au rendez-vous, merci. Encore une minute pour permettre le monde de venir, merci beaucoup, bonsoir. Merci, merci beaucoup. Merci d'être venu à notre rendez-vous habituel. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. En effet, comme je vous ai promis, il y a bientôt 2 semaines, je ferai de mon mieux pour un sujet, bonsoir, bonsoir, pour un sujet aussi profond. Vous le constaterez que je ferai de mes efforts hein, pour au moins vous entretenir pendant 1 heure. Et le maxi, je sais, c'est pour cela, vous voyez, je suis obligé de regarder ma montre, je suis déjà en retard de 2 minutes, parce que certains d'entre vous ont été un peu exigeants, ce que je ne blâme pas, parce que, exigeants dans le sens que la dernière fois on a fait un live, mais qui était en phase première partie et deuxième partie. Alors, du coup, oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et du coup, je n'ai pas pu donc, beaucoup étaient déjà fatigués. Mais aujourd'hui, je vous rassure que c'est le week-end. Je sais qu'il est 22h en France. J'espère dans la plupart des villes de France, il est 22h. Il est 21h au Gabon. Malheureusement, au Gabon, certains m'ont dit qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir suivre. Bon, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le but, droit au but. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de vous entretenir ce soir? C'est tout simple. Le titre, vous l'avez vu, c'est la décolonisation. Merci beaucoup, Mbolo, Mbolo, Mbolo. La décolonisation. Ben, pourquoi ce titre, la décolonisation? Eh ben, comme je vous l'ai dit dans la vidéo qui circule sur Facebook, je disais que la décolonisation, en fait, c'est un thème que j'ai choisi sous l'inspiration de nos génies, qu'il a fallu que je puisse dire quelque chose à propos de la décolonisation. Mais ici, cette décolonisation, elle est segmentée en 4 parties, pour ne pas dire en 4 segments. Mbolo, Mbolo, Mbolo, bonsoir. Donc, ces 4 segments, il y a d'abord la décolonisation politique, la décolonisation économique, la décolonisation intellectuelle et la décolonisation spirituelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la décolonisation spirituelle. Parce que parmi les 4, c'est l'un des dossiers que je maîtrise le plus, c'est non seulement parce que je suis initié dans nos rites de chez nous, africains, et particulièrement au Gabon profond, mais aussi suite aux plaintes de certains compatriotes, ce qui est tout à fait dans leur droit. Ils se sont plaints qu'aujourd'hui, les religions occidentales, religions dites importées vers l'Afrique, ont plutôt apporté plus de mal que de bien. Bon, dans certaines circonstances, ça dépend. Les religions dites orientales, notamment il y a l'islam, il y a le christianisme, ce sont les plus grandes religions, parce que le bouddhisme n'est pas une religion, le bouddhisme est un lifestyle, donc un mode de vie, c'est un style de vie dans lequel vous avez certaines techniques pour appliquer dans votre vie. Donc le sujet d'aujourd'hui particulièrement, est très très très important. Au niveau du Gabon, ah tiens, je ne savais pas, ben merci, donc le Gabon me suit, merci beaucoup, ça c'est, je suis très content. Donc, le sujet, est, d'une manière générale, parle de la décolonisation au niveau de l'Afrique. Et cette décolonisation, comme je ne pourrais pas me répéter, c'est en 4 segments. J'ai déjà parlé de cela, mais ici, le segment qui nous intéresse, c'est le segment de la décolonisation spirituelle. C'est-à-dire, comment nous pouvons, au fur et à mesure, nous séparer de certaines pratiques religieuses dont nous n'avons pas besoin dans nos sociétés africaines, en particulier au Gabon. Donc c'est de ça que je veux parler avec vous. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais un peu ici décomposer les différents titres que je vais pouvoir développer avec vous. Et je vous accorderai également une demi-heure pour pouvoir réagir et poser des questions. Alors, la décolonisation, donc je l'ai segmentée dans le plan spirituel. Je vais vous parler de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne. Qu'est-ce que c'était ? C'est-à-dire 3500 ans avant l'arrivée des chrétiens, avant l'arrivée de l'histoire de Jésus-Christ. Et ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai de la colonisation égyptienne par les Grecs. Et là, vous apprendrez beaucoup de choses, parce que quand les Grecs ont fini par coloniser l'Égypte, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, il y a eu une colonisation silencieuse de l'Égypte, mais qui est une colonisation spirituelle. Et c'est de là que nous allons justement apprendre la disparition, de la culture africaine égyptienne. Donc le peuple Kemet. Et le peuple Kemet, en fait, c'était ça le premier nom, le nom des hommes noirs. Donc en Égypte, je vous parlerai beaucoup de l'Égypte, la colonisation, disais-je, de l'Égypte par les Grecs. Et c'est suite à cette colonisation, nous allons apprendre des choses. Et ensuite, je vais vous amener, il y a eu un conflit. Un conflit qui a eu lieu en l'an 321 de notre ère, entre un certain Arius. Arius, c'était un gnostique, et je vous amènerai parler, je vais vous entretenir sur ces gens-là qu'on appelait les gnostiques messianiques. Les gnostiques messianiques, qui étaient-ils? Arius, donc, faisait partie de ces hommes appelés les gnostiques messianiques, c'est-à-dire... Les gens, aujourd'hui, ils existent. On les appelle les gens de la gnose. La gnose, c'est aussi un mode de vie. C'est un groupement spirituel qui n'aime pas trop faire du bruit. Ils vivent dans la gnose. La gnose, cette connaissance cachée qu'ils doivent expliquer. Et ensuite, je vous parlerai qu'est-ce qui s'est passé en 305 de notre ère à propos d'un certain monsieur grec du nom de... il s'appelle encore comment ce type-là? Il s'appelle... Ptolémée, voilà. Ptolémée, il s'écrit, le nom s'écrit avec un P, hein. Ptolémée Soter. Ptolémée Soter, alias le sauveur. C'est quelqu'un qui est venu en Égypte. Merci beaucoup. Oh, mais là, tout le monde m'informe que ça passe bien au Gabon. Alors, c'est intéressant, alors. Certains Gabonais peuvent profiter donc de suivre ceci. Monsieur Ptolémée Soter, alias le sauveur, eh bien, nous allons en prendre quelque chose à son sujet. C'est un homme qui était grec, et il est venu à Alexandra. Donc, Alexandra, pour votre information, porte le nom du prêtre évêque du nom d'Alexandre. Alexandre, qui était évêque de l'Empire romain, dominant et contrôlant l'Égypte dans le temps. Ce monsieur, donc, avait un conflit avec l'autre qu'on appelle Arius. Arius était gnostique, c'est-à-dire il croyait à la gnose. Il faisait partie des descendants de ceux-là qu'on appelait les gnostiques messianiques, c'est-à-dire ceux qui avaient les écrits qu'on appelle Ancien Testament dans le temps, et qui, pour la plupart, étaient des Hébreux. Et qui sont les Hébreux, en réalité? Nous allons apprendre ça également aujourd'hui. Voilà, donc, brièvement, de quoi je vais pouvoir vous entretenir aujourd'hui. L'Égypte ancienne, c'est quoi, en fait? Pardonnez-moi. L'Égypte ancienne, donc, comme je disais, c'était une partie, c'est toujours une partie de l'Afrique. L'Égypte ancienne. Pourquoi j'ai choisi l'Égypte ancienne? C'est parce qu'aujourd'hui, même là où je vis aux États-Unis, beaucoup de Blancs, je vous dis, c'est la confusion. Quand je discute avec des collègues au travail, quand je discute avec des professeurs, ils sont dans la confusion totale pour eux de considérer que les Égyptiens, ce ne sont pas des Africains. Parce qu'ils voient effectivement que les Égyptiens sont blancs, ils ont un teint clair. Alors, je vais vous expliquer ce phénomène qu'il y a eu lieu alors, quelques années avant Jésus-Christ. Je vous amène donc à l'an 3500 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, ce qui s'était passé, c'est que dans le temps de l'ancienne Égypte, tout ce qui dirigeait l'Égypte, je parle du premier noir, du premier pharaon noir, je crois que j'ai noté son nom quelque part là, mais si je ne me trompe pas, on l'appelait Namer, et il avait un autre petit nom là, de Neramari, c'était le premier pharaon noir africain, il y a de cela près de 3500 ans. Donc, l'Égypte ancienne, pour votre information, elle n'était composée que des Noirs. C'était des Noirs. L'Égypte, c'est la terre des Kémètes. Alors, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que l'ancienne Égypte, dans le temps, partait justement de la zone qu'on appelle Alexandre aujourd'hui. Alexandria, cette ville existe toujours. Et ça a été créé justement par des Romains, sous la domination romaine, ensuite grecque. Alors, on nous dit que cette zone-là, de l'Égypte dans le temps, donc, nous n'avions pas, à l'époque, d'ailleurs, le mot Afrique, ça n'existait pas du tout, parce que le nom Afrique vient de celui qu'on appelait Africanus, qui était un gouverneur romain. Il a régné à l'époque de l'Empire romain. Donc, celui qui, en allant faire des tours dans la zone de l'Afrique, a découvert l'Afrique et il était impressionné. Et quand il arrive, les gens lui ont demandé, mais le pays que tu as visité, c'est quoi? Il dit, non, mais c'est impressionnant. Je ne peux pas donner un nom parce que c'est tellement grand. Il est parti simplement du nord de l'Égypte vers le sud de l'Égypte. Donc, il s'est retrouvé dans la zone du Congo où il a vu les ors, l'or, les diamants, et toutes les richesses que nous volons aujourd'hui sur le territoire africain. Donc, impressionné par ce voyage, il est reparti chez lui à Rome et il a apporté la nouvelle. Et comme ça, les gens disent, mais puisque tu ne connais pas le nom de ce pays que tu as visité, alors nous allons l'appeler Africa. Donc, premièrement, le nom Africa vient de Africanus. Africanus, c'était le gouverneur romain sous le règne, sous l'emprise romaine à l'époque. Et ensuite, nous avons les Arabes qui sont venus également dans cette zone de l'Afrique. Je parle toujours de l'Égypte. Bon, pour ne pas créer l'amalgame, je préfère d'abord développer le côté ancien Égypte. Donc, dans l'ancien Égypte, comme je vous le disais, l'histoire que vous lisez dans la Bible ne se passe pas à l'époque de l'ancienne Égypte. C'est-à-dire le roi égyptien qui est en train de mater les Hébreux et qui, en fait, les Hébreux étaient des Noirs, pour votre information, à la différence que leur teint était un peu foncé. Et je vais vous le prouver tout à l'heure en vous donnant quelques versets bibliques. Donc, l'ancienne Égypte couvrait toute la zone, notamment depuis le nord, jusqu'à dans la zone du sud là-bas. Donc, c'est-à-dire, vous aviez depuis le nord, donc la zone d'Alexandrie où se trouve la capitale actuelle d'Alexandrie, vous partez dans la zone de la Haute Volta, toute la zone de la Haute Volta, le Ghana, l'Éthiopie, l'Algérie, toutes ces zones-là, on les appelait avec un seul nom, Égypte. Hein? Ça s'appelait Égypte, y compris en allant vers le Soudan. Donc, jusqu'au Gabon, le Congo, tout ça, ça s'appelait l'Égypte. Et je vais vous amener dans des preuves très... Vous pouvez vérifier même sur YouTube, ces informations circulent. Hein. Dieu merci qu'aujourd'hui, les Blancs, vraiment, surtout les Américains, ils ont mis à notre disposition le savoir. Vous pouvez vérifier que toute cette zone-là, il y a même récemment, en 2017, ils ont découvert un vieux temple dans la zone du Soudan, qui est un temple qui date de cela, qui a de cela 5000 ans. Donc ce temple même avait été construit avant le temple pharaonique ou encore avant les pyramides. Et c'est très surprenant, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce temple a été donc découvert récemment, il y a à peine un an. Et vous avez la zone du sud qu'on appelle Mputu. La zone Mputu, ça c'était une partie qui ne faisait pas partie de l'Égypte. Mais tout ça, c'était l'Afrique. La zone Mputu, c'était la zone de l'Afrique du Sud jusqu'à la zone de Madagascar. Toutes ces zones-là, on les appelait la zone Mputu. Donc, Il fallait que je fasse un peu cette petite description de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que vous pouvez retenir pour ne pas vous amener trop dans des terminologies scientifiques historiques? Vous devez retenir que l'ancienne Égypte n'était composée que du peuple noir. Et le peuple noir, c'était qui? Bon, j'ai retenu quelques versets pour vous, pour ceux qui font des recherches comme moi, juste pour vous informer que la Bible n'est pas forcément une propriété d'une certaine religion, parce que certains m'ont dit, mais écoutez, vous êtes initiés, qu'est-ce que vous avez à voir à lire la Bible? Bon, pour répondre à cela, je vous dirais d'ailleurs qu'ils ne savent même pas comment la Bible a été écrite. Parce que cette Bible, pour votre information, a été écrite par des Grecs. Elle a été traduite, la Vulgate, donc c'est parti du latin et de l'époque du 1er siècle après le conflit de 321 et le fameux concile de Nicée de 325. Donc, allons-y voir un peu dans certains versets de la Bible. Je vais vous amener dans Genèse chapitre 2, le verset 8. Bon, le verset 8 nous dit « Et puis Dieu l'Éternel planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme là. » Bon, c'est juste pour information que le fameux jardin d'Éden était planté du côté de l'Orient. Voilà pourquoi le président américain appelé George Bush dans le temps avait demandé qu'on aille découvrir quelque chose en Irak, parce que c'était cette zone-là où le jardin d'Éden avait pris ses pieds. Et ensuite, on nous dit au verset, le verset 10, que le fleuve qui sortait du jardin d'Éden, qui devait arroser le jardin, ce fleuve était divisé en quatre bras. Donc, j'ai fait mes recherches et je découvre que les bras allaient un côté vers l'Afrique, dans la zone qu'on appelle aujourd'hui le Middle East. Le Middle East, c'est-à-dire que les pays arabes qui séparent entre la zone, vous traversez, quand vous quittez l'Égypte pour continuer de l'autre côté, oui, je disais, Genèse chapitre 2, verset 8, c'est ça. Et vous allez confirmer le verset 10. Et ensuite, nous allons vérifier Genèse chapitre 2 toujours, mais le verset 13, c'est ce qui est plus intéressant. Là, le verset 13 va nous faire découvrir l'Afrique. Le verset 13 du Genèse chapitre 2 nous dit « Et le nom du second fleuve, le nom du second fleuve, parce qu'il y en avait quatre, souvenez-vous. » Genèse chapitre 2, le verset 13, nous dit que le nom du second fleuve est Guion. Et c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le pays de Cush, vous savez ce que c'est le pays de Cush. Allez-y Google, allez-y faire des recherches, le pays de Cush. Il s'agit bien, oui, je disais chapitre 2, le verset 13. Ce pays de Cush n'est autre que l'Afrique. Donc, l'autre appellation de l'Afrique ou de l'homme noir, c'est le peuple Cushite ou le peuple Kémet. Nous avons également dans le livre de Révélation, donc après le livre de Genèse chapitre 2, le verset 13, nous allons voir le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre le chapitre 4, autant pour moi, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, le chapitre 4. Dernier livre de la Bible, Apocalypse, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 3. Il est écrit, Jean, c'est Jean qui écrivait, il nous dit, « Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône se trouvait quelqu'un qui était assis. Et il nous décrit la couleur. » Voilà, c'est ça. Et Apocalypse, le chapitre 4, verset 2, et jusqu'au verset 3. Donc, le verset 2, Jean nous dit qu'il a vu quelqu'un assis sur le trône, mais le verset 3 nous décrit qui était ce quelqu'un, c'est-à-dire, pas qui était, mais quelle était la couleur de la peau de ce quelqu'un. Eh bien, le chapitre, donc le verset 3 dit que celui qui était assis avait l'aspect, donc, pour ne pas dire le mot aspect, ressemblait à une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, faites les recherches à quoi, quelle est la couleur du jaspe et la couleur de sardoine. Sardoine. Eh bien, vous verrez bien qu'il s'agit de la couleur de l'homme noir. Donc, la vision que Jean regarde, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône, selon le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 3. Il voit bien qu'il y a quelqu'un qui est assis et que il lui dit que le type qu'il voit assis sur le trône, mais ce type, c'est bien, bel et bien un noir. C'est un noir. Alors, allez-y savoir, pour vous dire que Jésus, là que les pasteurs des églises du Gabon me pardonnent, le Jésus qu'on leur a présenté qui est comme un blanc, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la vérité et c'est selon le livre de Révélation, chapitre 4, le verset 2 jusqu'à 3. Et même s'il était blanc, ce serait une contradiction, puisqu'on nous dit que sa mère était juive. Or, les juifs de l'ancien temps, c'était les Hébreux. Leurs ancêtres, c'était les Hébreux. Or, les Hébreux, c'était qui? Les Hébreux, c'était des blancs. Autant pour moi, les Hébreux, c'était des noirs. OK? Parmi lesquels, nous avions un Hébreu appelé Abraham. Il est né en Afrique. Il a fait des enfants en Afrique. Donc, Moïse lui-même descendait des Hébreux. Moïse était un noir. Le roi Salomon lui-même, souvenez-vous, son père David, qui était Hébreu, a fait un enfant avec une femme égyptienne, je voulais dire éthiopienne. Donc, Moïse aussi était noir. C'était juste pour vous dire un peu que l'ancienne Égypte, toute cette zone, toute la population, c'était des noirs. Et le peuple Kémète, Kouch, jusqu'à la zone de l'Inde, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Inde, à l'époque, sur la vieille carte africaine, tout ça, ça formait une seule terre. Parce que selon Genèse chapitre 2, que vous venez de lire avec moi, à partir du verset 8, on nous dit que lorsque Dieu a planté son jardin d'Éden, ce jardin d'Éden donc s'étendait sur quatre différentes zones. Il y avait le deuxième fleuve, donc c'est celui qui amenait vers Kush, donc l'Afrique. Mais de ce deuxième fleuve a continué jusqu'à Kush Hindu. À moins que je me trompe. Pardon, Hindu Kush. Hindu Kush, c'est l'ancien nom de la République de l'Inde que vous voyez là. Ça s'appelait Hindu Kush. C'est pour cela, quand vous quittez l'Afrique, vous verrez que vous partez du côté du nord de l'Inde. Tous ces mecs qui vivent dans le nord de l'Inde, si vous doutez, contactez des gens, appelez. Ils sont tous noirs, comme moi qui vous parle. À la différence que les cheveux sont un peu crépus. C'est comme ça. Mais nous-mêmes, nous sommes noirs, on a les cheveux crépus. Donc c'est pour vous dire que toute cette zone, je vais vous amener vers la Mésopotamie. Dans la zone de la Mésopotamie, on nous parlait d'un certain roi, appelé le roi de Melchisédek, qui était un prêtre par excellence. Et même on compare Jésus dans le livre d'Hébreu comme étant le grand prêtre par excellence. Donc, même le roi de Melchisédek de la zone de la Mésopotamie, on nous dit que tous les ceux qui habitaient cette zone de la Mésopotamie, qui est l'ancienne qui est devenue l'Irak et l'Iran, qui était en fait l'ancien territoire du roi Nimrod. Et justement, parlant de Nimrod, je vais vous amener dans la Bible. Nimrod était un noir. C'était le premier roi qui a influencé l'histoire du monde. C'était le premier qui a défié Dieu. Bon, maintenant, là, revenons sur le terme Dieu. Je vous l'ai dit la dernière fois. Quand vous lisez la Bible, Genèse, de tous ces livres-là, on nous dit « Et Dieu dit, et Dieu vit ». Il ne s'agit pas de Dieu Eloha. Eloha, en hébreu, veut dire un Dieu singulier. Mais la Bible avait été traduite. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui nous informe que les Noirs qui sont là-bas, on les appelle les Gravidiens. Merci beaucoup pour l'information de me confirmer. Mais en tout cas, je vais vous expliquer comment ces peuples et ces races sont devenus des races finalement un peu métissées, devenus des Blancs et tout ça. Parlant de l'Égypte, pour qu'on ne se perde pas. Donc avant de développer très bien sûr l'Égypte ancienne, il a fallu d'abord que je vous explique que, puisque c'est dans cette zone que l'histoire de l'homme noir a influencé, et que ceux qui m'ont suivi sur l'autre vidéo, je vous avais dit que le premier empire ou la première puissance mondiale, c'était bien l'Égypte. Donc disais-je, dans toute cette zone de la Mésopotamie, nous avions eu les Hébreux. Les Hébreux, c'était des gens qui étaient au teint foncé, c'était des noirs. Nous avons eu le peuple sumérien. Les peuples sumériens, ce sont les noirs. Les premiers noirs sur terre, c'était le peuple sumérien. Et si vous lisez la Bible dans le livre de Genèse, je crois, si je ne me trompe pas, ça nous décrit la prospérité et les enfants de M. Noé. Allez-y savoir. On nous dit que voici la liste des fils de Noé. Genèse chapitre 10, s'il vous plaît. Genèse chapitre 10, le verset 1. Voici la postérité des fils de Noé. Il y a eu Sem, Cam et Japhet. Et de ces trois enfants, il naquit des enfants. Bien, allons-y au verset 10. Autant pour moi, le verset 6. Le verset 6. Donc, je disais Genèse chapitre 10, le verset 1 et le verset 6 maintenant. Le verset 6 dit, « Et les fils de Cam furent Cush, Mishraïm, Put et Canaan. » Ah, tiens. Cush, je vous ai dit que c'était des noirs. Et tout à l'heure, nous avons vu le nom Put. Je vous ai dit que la partie de l'Afrique L'Égypte couvrait donc du nord de l'Égypte jusqu'à la zone du Congo, que même, qu'on appelle ça RDC, en passant par le Soudan, le Gabon et tout ça là, mais vers l'Afrique du Sud, cette zone s'appelait Pout. Et voilà, on retrouve dans la Bible le nom Pout. Voilà. Donc Pout, c'était aussi des Noirs. C'était les Noirs qui vivaient de la zone, voilà, merci beaucoup, dans la zone de l'Afrique, du Sud là-bas, vers le Sud de l'Afrique. On les appelle les Pout. Et puis les Cananéens, ça n'a rien à voir avec les Cananéens dont on a dit que ce sont les Palestiniens actuels. Tout ça, c'était des Noirs. Voyez-vous? Donc, merci beaucoup pour l'information. Oui, Zéphora, c'est comme ça. La femme de Moïse s'appelait Zéphora. C'est la fille de M. Jéthro, qui tous étaient des Mésopotamiens, des Sumériens, c'est-à-dire des Noirs. La femme de Moïse était également noire. Lui-même, Moïse, était noir, puisqu'il est né en Égypte, de l'Égypte de l'ancien temps qu'on appelait l'Égypte noire. Donc, il n'y a rien à se contester sur ce point-là. Maintenant, Abraham lui-même, le fils de Tara, vous ne voyez même pas que ce nom-là sonne, ça sonne comme un nom de chez nous, là-bas, dans le nord du Gabon, Tara. Donc, Tara, le père de, comment il s'appelle, le père d'Abraham, était bel et bien un noir. Nous allons faire la liste sur la généalogie. Vous verrez votre Bible, vous lisez du premier homme appelé, ce n'est même pas son nom, parce qu'Adam veut dire sorti du sol. Donc, vous partez d'Adam, Enoch, Abraham, Moïse, le roi Salomon, tous c'était des Hébreux, c'était des Noirs. Rien à contester, on a vérifié les ADN de ces mecs-là. Donc, on les appelait, la religion qu'eux ils avaient, ils n'avaient pas un nom précis, mais c'était le peuple béni parce que le Dieu suprême, dont le nom était représenté par les quatre tétragrammatons, donc les quatre consonnes YHWH, ce nom-là, que eux-mêmes, nos parents, nos ancêtres, les Hébreux, qui étaient des Noirs, ils prononçaient ce nom-là, mais en ajoutant les voyelles. Mais ils ne le prononçaient pas devant les gens. C'est une consigne stricte. Voilà comment ils prononçaient ce nom-là. Même, nous avons découvert une vieille photo, enfin, ce n'est pas une photo, c'est une peinture, où on a montré comment nos ancêtres priaient. Et seuls les musulmans. Donc, si vous voyez les musulmans prier, oh, c'est comme ça exactement nos ancêtres priaient. Donc, si vous voulez avoir un modèle de prière, une prière profonde, ok, vous devez prier comme les musulmans. Les musulmans ont volé cette technique auprès de notre ancêtre appelé Abraham et Moïse. Moïse, quand il priait dans le désert, c'est de la sorte qu'il priait. Sur ses genoux, il se mettait debout, il ouvrait les mains, il implorait, le front par terre, il se couchait, il s'étendait. Ça semblait comme une gymnastique, mais c'était exactement ça, le rite secret de nos ancêtres. Donc, seuls les musulmans. Donc, quand vous voyez un musulman prier, observez-le. C'est exactement comme ça. Nos ancêtres, les Hébreux ou les premiers Noirs, il y a de cela plus de 10 000 ans, 25 000 ans, c'est comme ça, eux, ils priaient. Alors, la religion qu'eux, ils pratiquaient donc, la religion révélée, mais dont la Bible a un peu trafiqué les effets, bon, c'est pas la pauvre Bible, mais ce sont nos amis, les Grecs, quand ils sont venus en Égypte. Nous allons parler donc de cette fameuse colonisation. Maintenant, je vous ai prouvé par A plus B que les Égyptiens, il y a de cela 3500 ans, c'était des Noirs. Il n'y a rien à contester. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle une colonisation, mais c'est une colonisation silencieuse, parce que les gens ne veulent même pas entendre parler de ça, les Égyptiens ne veulent pas entendre parler de ça, mais c'est malheureusement la vérité. Alors, il y a eu donc les Grecs qui sont venus coloniser l'Égypte. Comment, en quoi, en faisant? Mais c'était une colonisation douce. Et c'est de là où nous allons avoir le phénomène de métissage. Parce que les Égyptiens, jusqu'en 325 de notre ère, voire 300-400 de notre ère, je dis bien après Jésus-Christ, l'Égypte, tous c'était des Noirs, il n'y avait pas de Blancs dedans. Mais le mélange a commencé à partir de la présence d'un certain dont je vous ai donné le nom bizarre là. Il s'appelle, comment encore ce type? Monsieur Ptolémée. Monsieur Ptolémée, oh! Monsieur Ptolémée. Ptolémée, ça s'écrit P-T-O-L-E, accent aigu M, accent aigu E. Donc, Ptolémée. Mais on ne prononce pas le P, on dit que Ptolémée. Comme votre humble serviteur, je m'appelle Onouviet, mais les Anglais ici parfois me disent Onouviette. Mais le T est silencieux. C'est comme ce type-là, le P également est, voilà, c'est ça, bien écrit. Ptoloméo, c'est ce type-là. Et il avait un autre petit nom là, bon, c'est son prénom, hein. Soter. Soter, S-O-T-E-R. Alors Soter veut dire le sauveur. Là maintenant, ouvrez les oreilles, oh, nos pasteurs là et nos frères chrétiens. Alors c'est ce type donc Soter. En l'an 305, je vous dis bien, à l'an 305 de notre ère, il est venu donc à Alexandrie, là, dans la zone. Ce sont eux-mêmes qui ont le nom d'Alexandre, à cette ville-là. À partir de... Souvenez-vous du fameux évêque. Hein, l'évêque qui s'était... qui était en conflit avec... voilà, Sotère, le sauveur. Celui qui, justement, parlant d'Alexandre, je vous disais que c'est celui qui ne s'entendait pas avec son ami Arius. Et Arius, justement, était descendant des gnostiques messianiques. Donc, revenir sur l'ancienne Égypte, là, avant toute cette période-là, tous les Noirs étaient des gnostiques messianiques. C'est pour cela que quand vous lisez toutes les prophéties, et 80% de tous ces prophètes étaient des Noirs purs, noirs comme le charbon. Sauf quelques-uns qui étaient des métissés, c'est-à-dire les Hébreux. Donc, pour ne pas créer l'amalgame, Hébreux comme Noirs, ou Kémites, ou Couches, ou Poutistes, ou Couchistes, tous c'étaient des Noirs, clairs et nets. Donc ce sont eux qui écrivaient les premières prophéties. Et ces prophéties parlaient de l'arrivée d'un Messie. Allez-y lire la Bible. Et ce Messie n'était autre qu'un monsieur appelé Élisée. Oh, Élisée. Allez-y lire la Bible. Élisée, c'était lui, le Messie qu'on attendait. Donc, Élisée avait apparu. Allez-y lire la Bible. Ce type d'Élisée a passé un temps. Et ensuite, on nous dit, la Bible, selon la version... modifié de la Bible, on nous dit que et ensuite Élisée disparut des siens, il fut emporté par un char de feu. L'ascension, la résurrection. Donc c'est ce type-là. Élisée. Alors, donc je leur me répète que tous les gnostiques messianiques qui parlaient de l'arrivée d'un Messie, donc d'un sauveur, il s'adressait bel et bien de ce monsieur appelé Élisée. Chez les Américains, on l'appelle ici prophète Elisha. Prophète Elijah. Donc ce prophète Elijah, prophète Élisée, est venu. Il a fait des miracles. Lisez bien son histoire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas mis beaucoup de temps. Et il a été, la Bible nous dit qu'il fut emporté dans les cieux par un char de guerre. Maintenant, ceux qui croient aux ultras, aux extraterrestres, des machins, des ovnis, ils disent que c'est un engin des grands maîtres invisibles qui est venu le prendre et il a disparu. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais ici, c'est pour vous dire que les gnostiques messianiques, le mot gnose, vous savez ce que ça veut dire être agnostique. Un agnostique, c'est en quelque sorte un mystique, dont il a une connaissance et il a une vérité et des révélations. Hein? C'est un initié, mais qui ne peut pas déballer ses secrets à qui que ce soit. Donc ces gens, les appelaient des gnostiques messianiques, parmi lesquels il y avait Jérémie, celui qu'on appelle le prophète Ésaïe, celui qu'on appelait, comment il s'appelle, Habakkuk, et bien d'autres, Amos, tous ces prophètes, j'en passe. C'était des gnostiques messianiques, parce qu'ils annonçaient l'arrivée d'un Messie. Et ce Messie s'était révélé être en la personne du prophète Élisée. Et ce prophète Élisée avait disparu. Il est monté devant les gens, on l'a vu, être emporté par un char de machin. Le même phénomène que celui dont le fameux Jésus dont on nous parle dans le Nouveau Testament. Que Jésus également fut enlevé dans les nuées et il monta. Allons-y savoir, est-ce que le message des gnostiques messianiques s'adressait-il à un Jésus? Point d'interrogation. Pour votre information, si vous lisez la Bible et si vous consultez les livres des rabbins, les livres des juifs, hein, la Torah, quand vous allez lire la Torah, on vous dira qu'il y avait des milliers de Jésus. Et c'est la confusion. Donc, c'est là où vient cette affaire de Sotère. Monsieur Ptolémée, Monsieur Ptolémée Sotère. Pourquoi on a dit qu'il était sauveur? Je vais vous expliquer. Monsieur Ptolémée, donc, quand il arrive en Égypte, il est émerveillé par les connaissances. Il est émerveillé par le rite de nos ancêtres. Il est émerveillé donc par le rite de nos ancêtres, le rite des 12 dieux. Souvenez-vous, et ça je me fatiguerai point de vous le répéter, que lorsque le peuple sumérien est venu sur terre, au départ d'une autre planète, je parle des Noirs, quand ils sont arrivés avec leur connaissance, après il y a eu le déluge universel. Mais ce fameux déluge universel, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes, pour ceux qui ne le savent pas, alors... Ça a été créé par les dieux. Les dieux, c'est-à-dire nos génies, donc les archanges et tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient du banditisme. il quittait depuis les royaumes célestes pour venir baiser et coucher avec les femmes sur terre, faire du banditisme et faire des enfants avec eux, avec ces femmes-là. Et c'est à l'issue de ça qu'il y a eu ce fameux déluge. Et ce déluge, donc, avait pour but de faire descendre, de faire disparaître la race méchante. Donc, à l'issue de cela, Nzambakana, le Dieu suprême, celui qui a créé les cieux et la terre, dans sa grande prévision et dans ses préciences et dans sa préscience, avait donc préparé déjà 12 enfants, 12 élus. Et ces 12 élus avaient été emportés de manière mystérieuse et mystique. Ils ont été transférés donc tout droit en Égypte. C'est de là où on parle de la première puissance du monde. Elle, tout le savoir, toute la technologie, tous les grands mystères, les premiers grands temples du savoir qui étaient partis de Sommaire, qui étaient partis de la Mésopotamie ancienne, qui avait disparu en ce temps-là. Donc, toutes ces connaissances ont été transférées après l'éradication ou l'évasion ou la disparition de la méchanceté de l'homme sur Terre. Parce que, comme vous le savez, ces mecs, c'était des humanoïdes. Voilà le terme scientifique qu'on utilise. Hein? En science, on les appelle des humanoïdes. C'est des êtres tout à fait exceptionnels, ayant des forces extraordinaires. Et le mec pouvait mesurer jusqu'à 15, mais je ne sais pas moi si je n'exagère pas, parce qu'on a récemment découvert le squelette de l'un d'entre eux qu'on appelait Goliath, celui qui aurait affronté David. Bon, ça c'est l'histoire de la Bible, mais dans la réalité c'est vrai. Il y a eu un affront entre ces barbares-là et les êtres humains. Et il y a eu des êtres humains très exceptionnels. Pour votre information, effectivement, ce fameux David-là faisait partie des gnostiques messianiques. Il devint roi. Et il fit un enfant avec une femme africaine qui était d'origine de l'Éthiopie. Et ils eurent un enfant appelé Salomon. Et Salomon, c'est bien notre frère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le transfert a été donc emporté là-bas en Égypte. Et en Égypte, il y a eu 12 fils. Et c'est comme ça les Grecs, dans leur banditisme, parlant de ce type-là, de Ptolémée, ce sauteur, qui est venu faire sauter la connaissance africaine, ce sauteur, fameux sauveur, il a donc écrit tout en grec. Voilà pourquoi ça crée la confusion. On dit maintenant que le Dieu s'appelait le Dieu Zeus. Quel Dieu Zeus? On ne connaît pas cette histoire de Dieu Zeus. Nous, on était des Noirs, on était des Africains, enfin des Noirs, les seuls mots africains, des Kemet. À partir d'aujourd'hui, ne vous appelez plus Africains, oh, votre nom c'est Kemet. Nous sommes des Kemet. Ou bien nous sommes des Kushi. Voilà, ça c'est notre nom. Affaire d'Africain, je vous l'ai déjà expliqué. C'est venu de ces bandes de voyous gouverneurs romains qui s'appelaient Africanus. Et ensuite, les Arabes, vous savez que les Arabes aussi ont colonisé l'Afrique, pour votre information. Donc les Arabes ont amené un nom qu'on appelle Africa. Voilà comment ils ont appelé donc tout le continent de l'Égypte. Ils ont appelé cette zone en dehors de Poutou, donc la zone du sud là-bas. Comme ils ont vu la grandeur de l'Égypte depuis le nord là-bas, en passant par le Gabon jusqu'au Congo. Et ils ont dit, oh, Afrikia, Afrikia, Afrikia. Parce qu'ils ont vu l'or, les diamants et tout ça. Donc les Arabes ont nommé cette zone-là Afrikia. Mais on n'est ni des Afrikia, ni des Africains, mais nous sommes des Kemet, des Kemet. Voilà notre race, c'est ça. Donc, disais-je, ce monsieur de Ptolémée Sauter, il était très intelligent. Il est arrivé. Il était le premier qui arrive là en Égypte. Alors, il voyait déjà que les Romains avaient déjà embrouillé les pauvres Égyptiens. Il y avait déjà l'Empire romain qui était là. Et les Grecs se sont installés du côté d'Alexandre. Parce que souvenez-vous qu'Alexandrie a été créée à partir du... C'était une province romaine dans le temps. Parce que Alexandrie vient du nom de l'évêque là, qui avait justement fabriqué. Voilà, nous sommes des Kémites, soyez fiers de l'être. Alors, Alexandra, là, fait partie, comme je vous l'ai dit depuis le début de l'histoire, celui qui était en conflit avec Arius. Parce que Arius était un gnostique messianique. Arius fait partie de tous les prophètes qui avaient écrit l'Ancien Testament. Fait partie de tout ce qui avait annoncé l'arrivée du prophète Élisée, c'est-à-dire le Messie. Et maintenant, par erreur, ou je ne sais pas comment, les gens ont dit que c'est maintenant un certain Jésus, Yeshua, Ibn Yushef. Et même ce Yeshua, Ibn Youssef, c'est-à-dire Yeshua, fils de Joseph, ils ont fait une autre histoire. Et on en reviendra. Rassurez-vous, soyez patients. On viendra là tout à l'heure. Donc, nous parlons d'abord de ce sauteur qui est venu faire sauter nos connaissances africaines et les modifier. Donc, ce sauteur-là, en 305, quand il arrive, il crée la première grande librairie ésotérique. Le plus grand laboratoire de connaissances ésotériques, mystiques et historiques de toute la planète. Alors qu'au départ, les 12 fils du Nzambakana qui avaient été transférés de manière mystérieuse en Égypte. Voilà les noms de ses fils. Et vous vous en souvenez, il y avait Osiris, il y avait Osis, il y avait leur fils appelé Horus, il y avait leur frère qu'on appelle Seth. Seth, celui que les gens ont diabolisé en disant que Seth c'est le diable. Effectivement, parce que c'est Seth qui avait demandé qu'on tue son propre frère. Il était jaloux. Il était jaloux d'y voir que son frère Osiris était celui-là qui devait, comment dirais-je, dominer et présider la destinée du peuple noir, Kemet, pour ne pas dire à l'époque égyptien. Donc, Seth fait partie de ses enfants. Il y avait également un autre qu'on appelle Anubis. Anubis, c'est lui qui était chargé des initiations dans le temple d'Égypte. Et Horus, c'est le fils. Cet Horus-là, c'est celui qu'aujourd'hui, plus tard, fut rattrapé pour être appelé finalement le Jésus-Christ, par confusion. Donc, le rite chrétien de l'affaire de Marie et de Joseph a été pris à partir de l'histoire de Osiris et Osis, clair et net. Voilà comment ça s'est passé. Pourquoi? Parce que la naissance, en Zambakana, la naissance de Horus, elle a été faite de manière miraculeuse. Je vais vous expliquer. Souvenez-vous que je vous ai raconté la dernière fois, et c'est une histoire qui est vérifiée, elle est documentée, parce que j'ai ce livre. Et la plupart des grands mystiques, ils ont ce livre. Monsieur Osiris, on l'avait, pas on, son propre frère, Seth, celui qui devint le diable, l'ennemi de Jésus-Christ. Donc, Seth, ennemi de Osiris. Donc, ce Seth, frère de Osiris, c'est lui qui avait, avec le complot des gardiens, le complot des soldats égyptiens, tout autour, puisque ce sont eux qui commandaient le monde, alors ils ont contribué à la mort d'Osiris. Donc, ils ont réussi à attraper le corps d'Osiris. Mais comme Isis était une prêtresse également, une reine, une déesse, ayant les pouvoirs que Tambanzabakana lui avait donnés, avait fait tout pour ramener son mari à la vie. Alors, le corps du mari était dans un sarcophage, c'est-à-dire dans un cercueil quelque part. Oh, mais celui qu'on appelle Seth, animé par les esprits malins, animé par... Mais puisque c'était un dieu, il était informé. Donc les génies lui ont dit que le corps de ton frère Osiris est caché quelque part. Alors il est parti récupérer le corps. Et quand il va récupérer le corps, il va le découper en 12 morceaux. Il découpera le corps de son frère 12 morceaux. Et, oh maman, Nzambakana. Alors, Osis, guidée par l'esprit de Nzambakana, elle va retrouver le corps de son mari quelque part. Et quand elle retrouve le corps du mari, qui a été dépiécé à gauche et à droite, elle se rendra compte que le porc est en train de manger le pénis de son mari. Et c'est là qu'elle va lancer un cri. Je vous ai tout parlé de cette histoire, et c'est une histoire authentique et vérifiable. Et quand elle lance le cri va arriver jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres. Donc ça va atteindre jusqu'à la zone du Soudan. Même loin du Soudan, jusqu'au Congo démocratique là-bas, en passant par chez nous le Gabon. S'il y avait des Gabonais, à l'époque on ne nous appelait pas des Gabonais. S'il y avait des peuples kémites à l'époque là, ils devaient entendre ce cri et même saigner des oreilles. Donc cette dame-là l'a crié parce que le pénis du mari manquait. Alors, elle réussira à récupérer tous les 12 morceaux et même tout le reste des corps et elle en fabriquera un pénis artificiel. Elle va réussir à le fabriquer avec la terre, avec les grès, machin. Elle réussira à fabriquer un pénis. Mais pensez-vous qu'en fabriquant ce pénis, c'est qu'elle va faire un enfant? Zéro, elle ne pouvait pas faire un enfant avec ça, mais ça lui donnait seulement du plaisir. Et c'est comme ça, de manière mystérieuse. Horus va venir à l'existence. Mais comment Horus va venir à l'existence? Vous ne voyez pas qu'il y a une similitude là? Entre l'histoire de Joseph, on nous dit que Joseph n'a pas eu le sexe avec Marie, et Marie s'est mise enceinte parce que l'ange est venu lui parler. Oh! Mes frères chrétiens, pardonnez-moi, mais allez-y dans la profondeur de l'histoire. Je vous amène en Égypte, parce que c'est en Égypte où tout a été fabriqué. C'est en Égypte où ce bandit de Sotère, retenez bien son nom, il s'appelle Ptolémée Sotère. Et c'est lui, nous allons continuer à parler de son histoire. Donc en 305, au temps pour moi, quand il arrive là-bas en Égypte, il colonise les gens, il crée son laboratoire de connaissances. Alors il demande qu'on traduise tous les dossiers, tous les comment on appelle ça ? Qu'on traduise tous les documents en rapport avec les 12 dieux qui étaient transférés, qui avaient été transférés depuis le continent perdu vers l'Égypte, dont nos ancêtres, Osiris, Osis, Seth, Anubis, Horus et tout ça, tous ces gars-là, ils ont finalement eu des noms des divinités grecques. Quelle drôle de coïncidence! Donc, les 12 dieux égyptiens vont finalement avoir des 12 noms grecs, des dieux grecs. Parmi lesquels, on a le Mercure, on a Vénus, et toutes ces histoires-là, hein, Apollos, je ne sais qui, Zeus, patati patata. Donc, c'est ce type-là qu'on appelle Ptolémée Sator, Soter, alias le sauveur. Alors, comment il va devenir le sauveur? C'est lui qui, plus tard, fera en sorte que les gens croient que le fameux Jésus dont parlaient les gens depuis le 2e, 3e siècle et que les pauvres juifs attendaient, allez lire la Bible. Vous n'êtes pas étonné pourquoi les juifs orthodoxes, jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas que Jésus est revenu. Mais parce que dans leur tête, eux, ils savaient que c'est Jésus qui était le sauveur, le messianique. Il s'agissait d'Élysée. Mais ça crée la confusion. Lisez la Bible, les conflits entre Jésus et les Juifs. Les Juifs ont été convaincus, ils ont dit non, non, non, toi tu n'es pas le sauveur. C'est des histoires. Donc jusqu'à aujourd'hui, les Juifs qui sont orthodoxes, il y a une division entre les Juifs. Il y a des Juifs orthodoxes et les Juifs chrétiens. Donc ceux qui croient que oui, Jésus est arrivé, selon la version, qui ont été influencés par les Romains qui avaient justement colonisé. Puisque je vous dis, Alexandra, une partie de l'Égypte, sauf le côté du sud, nous on a résisté. Le côté du sud de l'Égypte, c'était la zone du Ghana, du Cameroun, du Nigeria, tous ces mecs-là ont résisté. Voilà pourquoi tous ceux qui se sont fait avoir, c'était les gens du côté du nord. Eh bien, ce qui explique qu'il y avait près de 7 millions d'Égyptiens qui vivaient dans la zone d'Alexandrie, mais tous ils étaient des métissés et des blancs. C'est tout à fait normal. Parce que c'est de là où il y a eu l'invasion. Par contre, quand vous partez vers le côté du sud, vous retrouvez encore les vrais Égyptiens. Et là, je vous parle du 4e, 5e jusqu'au 7e siècle de notre ère. Et n'en parlons plus au 21e siècle. Aujourd'hui, nous avons une population tout à fait mixée. Pour retrouver les vrais Égyptiens, vous allez partir vers le sud. Donc, au bout du Nil, c'est là que vous les reverrez quand même. Ils ont un peu les cheveux métissés et tout ça, mais vous verrez que ce sont nos frères noirs, vraiment originaires. Donc, pour revenir sur cette affaire de Sauter-là, Sauter, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que les connaissances-là soient traduites du latin au grec. Voyez-vous? Donc, tous les documents étaient traduits du latin au grec. Et quand ils ont traduit ça en grec, les dieux qu'on parle, c'est finalement les dieux grecs. Voilà, c'est ce qui s'explique. Et quand on vous dit non, la Grèce était une domination, les Grecs avaient les dieux, quels les dieux? Ce sont nos dieux d'Égypte, en partant de Osiris et Osis. C'est ça qu'ils ont traduit simplement et complètement fait. Et l'histoire nous le prouve. Même les grands historiens vont vous le dire. Moi qui vous parle votre humble serviteur, je parle en tant qu'initié. J'ai eu accès à ces connaissances, je fais des recherches également. Hein? Nous avons des professeurs, Eliki Akombolo, comment il s'appelle encore, du Zaïre, allez-y voir. Et nous avons encore un professeur congolais là, qui vous parle très bien, c'est un professeur. Nous avons le professeur sénégalais qui est parti, que Dieu ait son âme. Tout ce que je vous dis là, mais ils ont certainement parlé de ça. S'ils étaient vivants, s'ils étaient encore en vie, là, ils vous disent, oui, ce que Mouraou nous vous dire, c'est la vérité. Donc, ce type de sauteur a donc fait écrire tous les livres sacrés. Voilà, le professeur Obenga, voilà, c'est aussi l'un des meilleurs gars que j'ai jamais oublié. Eliki Mbokolo, merci beaucoup, Mbokolo. Ça, c'est un type que je suivais depuis 1975. Théophile Obenga, voilà, c'est ça, nous historiens qui nous restent. Hein? Rapprochez-vous de ces gens-là, mon Dieu, et Anta Diop, le Sénégalais. Voilà les gens qui détiennent le vrai savoir de l'Égypte. Voilà les gens, même tous les professeurs que vous voyez ici aux États-Unis qui ont des PhD de ceci et cela. Mais c'est grâce au professeur Anta Diop. C'est grâce au professeur Théophile Obenga. C'est auprès d'eux que ces mecs-là ont reçu les connaissances. Donc, votre humble serviteur, oui, je connais également le professeur Bilolo. Voilà, c'est des égyptologues. Bon, moi, je ne suis pas égyptologue, mais j'ai quand même une certaine connaissance mystique, ésotérique sur ce domaine-là. Donc, la colonisation égyptienne par les Grecs a été faite de la sorte que ce type-là qu'on appelle Ptolémée Sauter est devenu le sauveur, on change, on prend son nom et on prend son visage, on dit voilà, c'est lui le sauveur, c'est lui le Christ, donc c'est lui qui va sauver les gens. Et c'est comme ça, donc tous les documents, du coup, même la Bible a été traduite en grec, tout a été traduit en grec, donc il va favoriser un colonialisme total. Et la chose la plus honteuse, c'est lui qui fut finalement le premier pharaon blanc. Notez cela. Monsieur Ptolémée Sauter. Non seulement il se proclama être le sauveur, c'est-à-dire le Christ, le Messie, et de là la Bible a commencé à avoir des connotations et des troubles, et là nous sommes en 305, hein, jusqu'en 321. Nous en venons, hein, mais dommage le temps. Et donc de là, ce sauteur donc, va se passer pour le Messie. Et il va faire donc Il va créer cette grande librairie. Tous les pays d'Europe, bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas Europe, donc les gens de Nordique, les druides. Hein? Les druides, c'était les premières grandes religions de l'Europe. Ils ne connaissaient pas l'histoire du catholicisme ou bien des chrétiens. Donc, tous ces druides qui étaient des grands savants mystiques à l'époque, tous venaient recevoir les connaissances là en Égypte. Pourquoi ? À cause de nos anciennes connaissances traditionnelles qui avaient été laissées par nos dieux égyptiens, notamment, je vous ai parlé de Osiris et d'Isis. Et dont votre humble serviteur aujourd'hui porte cette croix, qui est la croix de l'initiation d'Horus. Mais cet Horus, c'est qui ? Et le dieu Ankh, c'est qui ? Mais ça vient de chez nous. Nous, c'était le peuple Kemet. Alors, le peuple Kemet, dirais-je. Et donc, du coup, il a changé tout. Les 12 dieux égyptiens ont été finalement transformés en des dieux mythiques grecs, alors que c'était des vrais dieux. Et tout ça, les rites ont été complètement traduits. Et ceci, cela. Ils ont changé la constitution au niveau de la construction d'Alexandrie. Si vous partez aujourd'hui à Alexandra, les bâtiments sont différents et tout est changé. Bon. Brièvement, je vous amène maintenant. Donc, ce type avait déjà, si vous voulez, mis les jalons. Ce qui fait que, quelques années plus tard, le conflit qui éclate entre Arius et Alexandre l'évêque va éclater. Parce que Arius dit, mais écoutez, moi quand je constate maintenant vos bibles là, que vous commencez, les documents, commencez à traduire n'importe comment, nos traditions, moi en tant que gnostique messianique, je n'y crois pas du tout. Et puis, l'autre, Alexandre, lui qui était l'évêque d'Alexandre à l'époque, donc du nord de l'Égypte, lui, il se proclame et dit non, Jésus doit être quelqu'un, il doit être divinisé, Jésus doit être le Dieu. Et c'est de là où la Trinité commence à voir le jour. Bon, donc, en 325, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Constantin le Grand, dépassé par les événements, hein, il dit non, arrêtez-moi cette histoire, vous allez vous battre. Alors, il convoque un grand conseil. Et ce conseil fut appelé le conseil de Nicée. Ça s'est passé en 325. Donc vous verrez que de 305 à 325, ça fait combien d'années ? Faites les calculs. Voyez-vous ? Donc c'est durant cette période-là que les mythes chrétiens et toutes ces histoires-là sont fabriqués. Et finalement, nous, nos traditions à nous, vont commencer petit à petit à se disloquer pour devenir des dieux mythiques, pour devenir des irréalités et du banditisme et les mots démoniaques, diaboliques. Et là, j'en vais revenir maintenant à notre monde moderne là, pour parler de nos pasteurs et de nos églises modernes qui traitent nos histoires de diaboliques. Donc, en 325, disais-je, le conseil est convoqué. Et vous connaissez la suite. Lorsque ce conseil est convoqué, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il amène toutes les copies de la Bible, qui étaient justement à Alexandrie, que M. Ptolémée, là, Tsoter, avait déjà fait la traduction. Donc, ils vont prendre leur conseil. Et vous pensez qu'ils vont mettre de côté ce que leur sauveur Sauter l'a fait ? Non ! Ils vont se contenter de ce que Sauter avait déjà préparé le chemin. C'est-à-dire, Sauter avait sélectionné quelques versets de la Bible. Alors, il a mis quelques livres de la Bible. Je vous ai dit, et je me répète, là ça a été confirmé, qu'effectivement, il y avait plus de 107 livres. Mais sur les plus de 107 livres, ils vont seulement sélectionner 66 petits livres. Et le reste, ils vont considérer ça comme des livres apocryphes, comme des livres dangereux. Et ce sont des livres qui, plus tard, que nos chercheurs américains, à ça, je donne vraiment crédit à ces Américains-là. Pour la plupart, ce sont eux qui ont découvert, et quelques scientifiques britanniques, donc les Anglais, ils ont découvert, sinon, des documents qu'on appelle les documents de la mer morte, qu'ils ont découvert là, récemment, en 1948. Donc, quand ils découvrent en 1948 qu'il y avait les livres d'Enoch, qu'il y avait les évangiles de Jude, le petit frère de Jésus, même mère, même père, qu'il y avait les évangiles de, comment il s'appelle, Judas Iscariote, qu'on a soi-disant dit qu'il était le traître de Jésus. On a retrouvé les évangiles de Marie-Madeleine, celle qu'on disait que non, ce n'était qu'une prostituée, et on découvrira plus tard que, donc c'était la femme de Jésus, celui de Jésus dont on parle pas, qui n'a rien à voir avec le Jésus que les chrétiens adorent. Et puis on a découvert beaucoup de choses, les évangiles de Thomas, les évangiles de je ne sais pas trop qui, hein. On a découvert même la révélation de Pierre, au profit de la révélation de Jean. Et ils ont fait une sélection, et ils en ont fait leur Bible, ils en ont fait foutu leur bordel, et ils ont dit, bon, comme il en est ainsi, à partir d'aujourd'hui, le canon, on va maintenant canoniser. Voilà, le terme canoniser est venu, le verbe canoniser est sorti de là. Donc ils ont dit, bon, maintenant nous, c'est fini là, hein, bon, puisque c'est nous qui commandons tout, donc on va tout boucler. Donc ils ont décidé en 325 que c'est désormais c'est ça. 66 petits livres et puis terminé. Le reste là, allez-y, mais cachez ça là-bas au 7e ciel, au 7e sous-sol du Vatican. Lequel Vatican détient tous ses secrets et tous ses documents aujourd'hui. Voilà la vérité. Donc, vous vous rendez compte, quand on essaie de voir l'évolution de tout ceci, Où est-ce que l'homme noir s'en va? Où est-ce comment le peuple africain, le peuple kémite, parce que je ne veux plus utiliser le peuple africain ici là. Plus de 3000 ans d'histoire de l'homme noir, de l'homme kémite sur la terre. Plus de 3000 ans d'histoire du peuple africain, du peuple noir ou égyptien. Toute cette documentation est enfouie, est détruite, est transformée. Quand je dis détruite, parce que ils ont traduit, ils ont mixé, ils ont caché les vraies vérités pour implanter l'Empire romain, pour implanter la puissance grecque et pour faire en sorte que le peuple noir soit buté. Bon, le temps ne me permet pas, mais je vous dis, parce qu'il faut que je tienne la parole, les gens m'ont dit non, il ne faut pas que je parle trop. Donc, quand vous allez vérifier dans le livre de Genèse, on nous parle d'un certain, l'un des petits-fils de Noé, qui Noé aurait bu le vin, et étant sous, bon, le type, maintenant le pagne est tombé, bon, petit papa était dehors maintenant, oh, donc là, le petit-fils de Cana, dit-on, il s'est mis à rigoler, oh, ça fait un grand débat, voilà, c'est finalement Sem qui, j'ai fait mes recherches, Sem ce n'est même pas l'ancêtre des Juifs, enfin ce n'est pas l'ancêtre des Blancs, Sem était l'ancêtre des Hébreux, mais les Hébreux, je vous le répète, c'était les Noirs, Cam c'était l'ancêtre des Noirs. Mais les Hébreux et les Noirs, mais c'est le même tabac, même pipe, même tabac. Donc ça a créé la confusion dans la compréhension des gens. Ben en un mot, ils ont dit voilà, le petit-fils de Cam, donc aurait été un Noir et qu'il a été maudit. Et ce qui justifia. Là, je finis avec la date de 325. Retenez qu'en 325, ils ont créé leur Sénat, pour ne pas dire le Conseil de Nicée, pour dire que la Bible doit avoir seulement 66 petits livres. Terminé. Et que la religion officielle, c'est le catholicisme. Terminé. Plus aucune religion doit venir ici. Alors ils ont commencé à massacrer les pauvres gnostiques messianiques. C'est-à-dire tous les initiés ont été tués. Quelques-uns ont fui. Si nous partons au livre de Genèse, on nous parlera de Jubal, le joueur de la cithare, de la timbale, de la cithare et de la harpe. Et c'est de là où, malheureusement, ça fera l'objet de notre enseignement, j'ai découvert que c'est là où le peuple Togo et le peuple Fang, qui descendaient tous de l'Égypte, et se sont retrouvés dans la zone du sud de l'Égypte. Eux, ils étaient les grands joueurs des harpes dans le grand temple. Moi, je ne savais pas ça. Je répète, le peuple Tsoro et comment on les appelle? Les Fang, le peuple Fang. Mais mon Dieu, j'ai appris ça quand j'étais au Gabon. Je pensais que c'était la blague, que non, les Fang étaient les premiers à descendre de l'Égypte pour venir au Gabon. Moi, je pensais que c'était la rigolade, mais je viens de vérifier. Ils descendent de Jubal. Et Jubal, si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 9, on nous parle de Jubal. Je ne maîtrise plus le verset, mais en tout cas, je vais vous le déballer. Donc le peuple Jubal, là, je vérifiais la Genèse, c'est descendu jusqu'au Fang. Voilà pourquoi les Fang, le Buti Fang et le Buti Mitsoro, ce sont eux qui détiennent la véritable initiation aujourd'hui au Gabon. Vous verrez même quand vous partez à Okala, chez le maître d'Itomori Benga, comment il s'appelle, Itomori Benga, vous verrez que la description du temple initiatique dans le temple de ce type-là, c'est pareil comme c'est décrit dans le machin, le temple égyptien. Mais je vous dis que j'ai eu la chair de poule, hein. J'ai eu les larmes quand je vérifiais cette information dans les plans là-bas. Et la même chose chez les Tsogo. Donc, nous sommes fiers d'avoir une vieille religion. Nous sommes fiers. Voyez-vous? Et ce sont ces mêmes, merci beaucoup. Oui, ce sont ces mêmes juifs-là qui ont crucifié Jésus. Et des faux juifs d'ailleurs, parce que parmi eux, c'était des vendus. Et le fameux Jésus dont on parle même, c'est différent. Donc, c'est du banditisme. Laissez-moi cette distraction-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que j'en étais? J'ai eu de l'émotion quand j'ai découvert cette affaire que donc le peuple Fang et le peuple Tsoro, ce sont eux qui descendaient de Jubal, dont parle la Bible, et que eux, quand il y a eu cette affaire de l'invasion égyptienne, ils se sont retrouvés du côté du sud, eux-mêmes, de l'Égypte. Et en allant vers le sud de l'Égypte, ils ont amené leur savoir, et avec leur savoir, donc, il y a le bois sacré qui était là, qui faisait partie du jardin d'Éden. J'ai découvert qu'au centre du jardin d'Éden était planté un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, et nous savons également que maintenant, quelqu'un est en train de commenter que c'est fini, les gens vont se tuer. Mais malheureusement, hein, parce que là, c'est l'initié qui parle, c'est la vérité. Et dans... oui, mais le pauvre pape, il n'a pas raison. Le pape n'a pas raison, il n'a pas tort. Hein? Le pape vous dit même que l'enfer n'existe pas. Vous pensez qu'il est devenu fou? Mais il n'a pas tort. Tout ça, c'est des vérités. Il a vérifié. Peut-être qu'il a mangé le bois sacré chez nous, je ne sais pas. Bon, en tout cas, l'affaire du bois sacré, j'ai même vérifié dans le temple d'Égypte. Mais il y avait une substance que les prêtres donnaient aux initiés. Oui, il y avait une substance. Et cette substance existait du côté du sud de l'Égypte. Les prêtres envoyaient, comment dirais-je, des émissaires aller chercher cette plante sacrée. Mais quand je vérifiais la Bible, on zambakana. La Genèse nous dit bien que la quatrième vallée, cette quatrième vallée se trouvait où? Mais elle se trouvait vers le sud de, machin, de l'Afrique. Mais quand on voit bien du sud de l'Égypte, on regarde la carte, mais le sud, Mputu, entre Mputu et l'Égypte, mais on regarde bien entre Mputu et l'Égypte, mais c'est bien le Congo et le Gabon. Et bah c'est, parce que quand vous voyez bien, le bois sacré existe dans la zone du Cameroun, le Gabon et le Congo. Et les premiers Togo, les premiers initiés, les premiers grands bouddhistes de l'Afrique, vérifiez l'information en Zambakana. Ils se trouvaient au Congo, RDC. Et ceux du Congo RDC, dans la zone de Goma, ils sont remontés à cause de l'oppression des peuples Mputu et remontés. Et là, ça va nous amener chez notre cher frère, un prophète appelé, comment il s'appelle, Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, justement, les gens m'ont posé des questions à son sujet, mais j'ai découvert que Simon Kimbangu, qui est né en 1887, et qui, lui, il s'est comparé, il a lu le livre, je ne sais pas, il a dit que lui serait le Paraclès, dont Jésus parlait que il y aura un Paraclès qui viendra. Donc, le Paraclès en question, c'était qui? Kimbangu, Simon Kimbangu est sorti. Et drôle de coïncidence, Nzambakana. Mais Simon Kimbangu, hein? Il a parlé, comment dirais-je? Il est né en 1887. Mais savez-vous que 2 ans avant, il y a un certain Léopold II qui, à Berlin, décide de diviser l'Afrique, décide de s'approprier l'Afrique. 2 ans avant. Et maintenant, 2 ans plus tard, voilà un sauveur pour le peuple congolais est né. Un messianique, pour ne pas dire un messie, est né. Donc, il y aura alors une grande lutte. Et cette lutte va s'opérer quand le prophète Nzambakana, Simon Kimbangu arrive. Hein? Le peuple congolais était aux abois. Il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Parce que maintenant, souvenez-vous, l'histoire nous le dit, que lorsque la réunion qui se passe à Berlin, présidée par Léopold II, il dira quoi? Il dira que vous partez, on vous envoie en Afrique, qui s'adressait aux pasteurs et aux prêtres qu'ils ont fabriqués là dans leur connerie. Il leur dira que on vous envoie là-bas en Afrique, ce n'est pas pour aller enseigner l'homme noir la religion ou leur enseigner, comment dirais-je, de Dieu. Non! Ces mecs-là connaissent qui est Dieu. Ces gens-là connaissent déjà qui est Tatanzambakana. Ces gens-là connaissent déjà le Dieu suprême, dont le nom est exprimé par le YHWH. Ils le connaissent. Vous n'avez rien à leur enseigner là-bas. Les consignes ont été données. Donc, les missionnaires, du coup, oui, Simon, celui dont je parle là, c'est pas Kimbangu, il a un autre... je vais vous donner son site, hein. J'ai fait des recherches, j'ai même découvert que, vraiment, ces gars-là ont fait un grand travail. Ils ont créé même un site internet, où vous pouvez suivre tranquillement les enseignements. Voilà, ça s'appelle Simon Kimbangu. Le site s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Simon Kimbangu Kiangani.org. Voilà le site. Kimbangu. Voilà, c'est ça son vrai nom. Simon Kimbangu. Donc, ce Simon Kimbangu, quand il naît, 2 ans après la mascarade de la jeunesse la réunion de Berlin, voyez-vous, ils attendaient un messie. Bon, même quand vous voyez les psaumes, moi j'ai lu les psaumes de Kimbangu. Les psaumes de Kimbangu n'ont rien à voir avec les psaumes que les Romains ont traduit n'importe comment. Donc, moi, je respecte le peuple congolais. Et s'ils ne profitent pas de ce message de leur prophète Kimbangu, moi, je dis, ils doivent vraiment prendre soin de ça. Bon, voilà, je reçois la pression aussi sur le timing. Bon, écoutez, voilà. Maintenant, nous allons parler du cas du Gabon rapidement, avant de passer au questionnaire. Au Gabon, je ne vous ai même pas parlé du deuxième conseil là encore, parce que le premier conseil, c'était en 325. Et il y a eu un deuxième qui s'est passé en 1971. J'étais encore jeune, j'étais à Lambaréné, à l'école primaire. Donc en 1971, il y a eu un conseil sous l'égide du pape Pie VI. Il a donc convoqué toutes les religions du monde, sauf les témoins de Jéhovah ont refusé. Mais les musulmans ont répondu, les bouddhistes ont répondu, les taoïstes ont répondu, tous, ils sont venus. Pardon. Ils se sont retrouvés donc à Bangui. Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Donc, quand ils se sont retrouvés là-bas, écoutez, ça c'est très important. Quand ils se retrouvent tous là-bas, voici l'objectif. Ils disent, le peuple africain, là, vraiment, c'est difficile de contrôler ces mecs-là. Donc, voilà ce que nous allons faire. C'est pas moi, c'était la décision. Donc, la décision qui était sortie au mois d'août 1971, lors du Grand Conseil, deuxième conseil après le Conseil de Nicée, de 325 de notre ère, la différence était que Ils ont créé une Bible appelée Tob, la traduction écuménique biblique. Donc dans cette traduction écuménique biblique dont j'en ai la copie, il y a eu une réintégration de certains livres dits Maccabée ou certains livres dits apocryphes qu'ils avaient retirés, soi-disant, mais on n'a pas retrouvé le livre d'Enoch, malheureusement. On n'a pas retrouvé les évangiles de Marie-Madeleine. On n'a pas retrouvé les évangiles de Jude, de Jacques. On n'a pas retrouvé ça. Donc, ils ont seulement amené quelques livres de Maccabée, donc les livres écrits par Salomon à gauche, à droite, des lettres d'amour qu'il adressait ça et là. Ils ont réintégré dans cette Bible appelée Tob. En 1971, ça c'est tout récent, au 20e siècle. Moi, ce qui m'intéresse, je n'interpelle le peuple africain, et particulièrement mon peuple gabonais. Voici ce qu'ils ont dit. Nous allons désormais christianiser le peuple africain. Nous allons les christianiser. Parce que tous leurs dieux, toutes leurs religions, toutes leurs religions et toutes ces autres choses-là, nous devons nous en débarrasser et les amener dans nos musées, en France, en Europe. Voilà ce qui avait été décidé en 1971. Et puis, malheureusement, quand ils sont arrivés, donc, nos pauvres papas, nos mamans, qui à l'époque, fragiles, détenteurs de grandes connaissances, on est venu leur dire, oh non, non, ça c'est diabolique. Oh non, il faudrait s'en débarrasser. Alors, ils ont arraché tous nos fétiches, ce qu'ils appellent soi-disant fétiches. Ils ont arraché tous nos pouvoirs, qui n'étaient que des réceptacles et des symboles qui, en fait, reflétaient le monde rationnel dans la fonctionnalité de l'univers et de l'homme au milieu du centre de Transambé, dans l'univers. Donc, ils ont tout arraché et amené en Europe. En 1971, c'est ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Vérifiez ça pour des catholiques, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi. Vous pouvez même Google, je ne sais pas s'ils ont mis ça sur Internet, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, en 1971, à Bangui, il y a eu cette réunion. C'était pour africaniser toutes les cultures africaines. Voilà où je me pose. Et où est-ce que nous en sommes? Ils nous ont africanisés. Et où est-ce que nous en récoltons? Où est notre héritage? Où est notre héritage spirituel de nos jours? Répondez-moi à cette question. Si ce n'est que du banditisme, si ce n'est que du tantamarre, si ce n'est que du bruit, si ce n'est que des adultères, si ce n'est que de la pédérastie, des prêtres qui pèdent les enfants, des pasteurs qui passent leur temps à mentir, à imposer des mains, à prendre le bonheur, les chances des gens. C'est ça que nous assistons dans ces milieux-là. Chers compatriotes, chers prêtres, chers pasteurs, chers religieux, je ne suis pas contre vos religions, mais nantis des connaissances que je viens de décrire, que l'homme noir, l'homme kémète que je suis, je revendique ma propre culture, je revendique un retour à nos sources, je revendique un retour à nos valeurs traditionnelles qui sont le moteur de la fonctionnalité de l'être humain dans son milieu, que ce soit dans le milieu sociologique, psychologique, économique et politique. Car avec ceci, nous avions mieux fonctionné. Mais avec l'arrivée de toutes ces religions importées, que devient le peuple africain? Nous sommes dépravés, nous sommes déconnectés. Allez-y savoir, même ici où je vis aux États-Unis, dans la ville où j'habite, nous avons plus des églises africaines qui se divisent entre eux. Je le répète que nous avons plus d'églises africaines ici. Même les Blancs eux-mêmes, ils ne s'occupent même plus de ces histoires-là. Les Blancs ne rentrent plus dans les églises. Ils ont abandonné. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte qu'ils nous ont tellement trompés. Allez-y en Afrique, église dite éveillée. Les gens qui vont faire des veillées de prière. Qui vous a dit qu'on va prier plus d'une heure de temps? Qui vous a dit qu'il fallait crier dans les églises, déranger le sommeil des gens? Et on voit des femmes qui abandonnent leur époux. Qui vous a dit que toi, pasteur, tu as le droit de poser les mains avec force sur quelqu'un? Montre-moi le verset biblique. Il n'existe aucun verset biblique où on vous dit qu'il faut aller poser la main avec force sur quelqu'un. Oui, le livre de Jacques nous dit, quand quelqu'un est marié, quand quelqu'un est malade, on dit bien, poser les mains sur sa tête. On n'a pas dit de le pousser. Posez les mains. Et quand vous posez, et ce n'est pas une seule personne qui doit le faire, toi, pasteur, qui ose, pas toi seul, pousser les gens. Le temps, malheureusement, est court. Mais j'allais vous montrer, j'allais vous faire écouter l'audio d'un grand prêtre mystique, un grand chaman ghanéen qui a donné des pouvoirs magiques et des sorcelleries à plus de 2000 pasteurs, y compris les pasteurs du Gabon. Ils m'ont cité même les noms de ces pasteurs gabonais-là. Ils sont là-dedans. Les pasteurs béninois, les pasteurs congolais, des pasteurs ghanéens, des pasteurs nigériens. Ils sont dans la liste de ce type-là. Hein? Monsieur Boussouankong, comment il s'appelle? Boussouankwaku. Bonsang Kaku, c'est son nom. Boussouankwaku, c'est son nom, le type-là. C'est un Ghanéen. Il est venu parler ici aux États-Unis. Il nous a donné des preuves. Il nous a montré la vidéo live, là où il y a un pasteur qui voulait discuter avec lui. Et le pasteur a reconnu que oui, ce monsieur-là m'a donné le fétiche pour avoir beaucoup de gens à l'église, pour guérir les gens. Voilà pourquoi les techniques de prise de judo. Il pose les mains sur quelqu'un, le pauvre va tomber avec une prise de judo imposée par le pasteur. Qui vous a dit qu'il faut faire ces histoires-là? Jésus-Christ l'a fait quand? À l'entrée du temple, lorsqu'il a trouvé ce paralytique. Il a posé seulement la question à ce paralytique, est-ce que tu crois que je peux le faire? Le type a répondu oui, c'est toi le Messie, non, je t'attendais. Ah! Jésus dit, ok, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit, oh, pousser le type avec une prise de judo. Il l'a jamais fait. Donc arrêtez-moi ces conneries-là. Les églises, je le répète, j'ai du respect pour ce pasteur-là. Ce n'est pas tous qui sont mauvais. Continuez, c'est pour cela que moi j'ai utilisé le mot égrégore. Continuez à utiliser, mais adorer ces égrégores là-haut, tant mieux. Jusqu'à ce que vous aurez la connaissance. Parce que pour moi, ce ne sont que des béquilles. Car la véritable connaissance qui est venue des Kemet, du peuple, de la Mésopotamie, il y a de cela plus de 25 000 ans, est transmise à travers la Genèse que nous avons lue, Jubal, le premier joueur de la sitar, qui a transmis son savoir au peuple Fang, au peuple Mitsoro, qui se trouve au Gabon, au sud et au nord du Gabon. C'est là où se trouve le véritable savoir. Alors tout, j'invite tous les Gabonais d'aller s'initier dans le véritable Mbuiti, que ce soit Mbuiti Ndia, que ce soit Mbuiti Dizumba, que ce soit le Mbuiti, quelle que soit la tradition. C'est là où nous devons donc être envoyé dans ce milieu. Et c'est la vérité que je vous dis. Rien que la vérité. Et je l'ai découvert dans la Bible. Dans le livre de Genèse, on nous parle du peuple Jubal, qui était les fabricants des sitars et des guitares. Et ce peuple guitare, de ce guitare, se retrouvait où? Au sud de l'Égypte. Non loin du peuple Mputu. Le peuple Mputu est vers l'autre peuple, du patron vers l'Inde. Je vous en prie. Je suis limité par le temps. Je vais devoir arrêter. Alors, quel est notre héritage? Chers peuples gabonais, chers peuples africains, quel est notre héritage? Après avoir écouté cette déclaration, après avoir écouté cette description, après avoir écouté cet exposé que je vous ai fait, qui n'était pas peut-être complète, mais l'essentiel a été dit. Que l'homme, le premier homme qui a été mis sur cette terre, c'était un peuple noir. Et de ce peuple noir, il y a eu un royaume que nous avons mis, mais ce royaume nous a été récupéré par l'autre. Et plus tard, ils vont trouver une excuse, selon le livre de Genèse, en disant que oui, le petit-fils qui s'est moqué du grand-père Noé, c'était le noir. Alors au 15e siècle, je n'ai pas fini, c'est ainsi que l'église protestante avait inventé l'esclavage. Oui, c'était des protestants. Ce sont des protestants qui ont inventé l'esclavage pour venir esclavagiser les noirs, en disant que l'homme noir était une race à abattre, mais simplement parce que, ils savaient que l'homme noir était l'homme le plus puissant. Ils savaient que le premier royaume le plus puissant de la planète, c'était le royaume des noirs. Ils savaient que le peuple détenteur du savoir, de l'éveil, de la connaissance, des sciences, des mathématiques, et de l'astronomie, et de toutes les sciences complexes, et même votre absorbiteur n'est parti dans aucune université à aller apprendre toutes ces connaissances. Il n'a fait que des connaissances qui sont basées sur ce qu'il a comme métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je me sentis un peu trop emporté. Maintenant, je vais suivre. Hein. Il y a quelqu'un qui me suit là. Il me dit, j'ai débordé du temps. Dommage. Zambakana. Alors, il est l'heure aux questions. C'est l'heure de passer aux questions. Avez-vous des questions à poser? Personne ne pose de questions. Ben, écoutez, moi, j'étais tellement inspiré que j'ai voulu déborder du temps, d'une heure. Effectivement, j'ai débordé de 12 minutes. Je vous attends encore là, pour une minute, et certainement tirer la conclusion. Bon, écoutez, oui, c'est vrai, il y a ceux qui sont entrés en retard, mais je suis quand même suivi. Bon, quelqu'un m'a posé la question sur le peuple nubien. Mais n'oubliez pas que le peuple nubien, N-U-B-I-E-N, il n'est autre que ce même. Il y a simplement un changement des noms dans tout ça. Le peuple nubien n'est autre que le peuple kémite. C'est la même chose, c'est ce que je peux vous dire. Et effectivement, cette civilisation intervient après le peuple, si je ne me trompe pas bien, après le peuple, hébreu. Il y a une connotation, un rapport entre le peuple hébreu, comme je disais, ce n'étaient pas des noirs à 100%. Ils étaient simplement des teints foncés. Ils avaient leur teint foncé. Si vous voulez, c'est un peu comme nos frères de l'Éthiopie. Voilà. Ou de nos frères de... on les appelle comment? Nos frères de la Somalie. Voilà comment étaient les Hébreux dans le temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont... qui se trouvent en Éthiopie. Vérifiez ce que je vous dis. Ils se trouvent en Éthiopie. Donc, le peuple nubien, pour répondre à votre question, ce peuple est venu bel et bien avant. Plutôt après le... comment dirais-je? Le peuple hébreu ou Kemet. Et je dirais que ce peuple nubien pourrait être une mixture. Ils ont mixé un tout petit peu, à moins que je me trompe. Mais sinon, moi, je pense que c'est toujours la même chose. Parce que, même si vous voyez la situation actuelle de la carte de l'Afrique, ceux qui vivent... Merci beaucoup. Alors, le prochain direct, ça ne se fera que la semaine prochaine. Parce que je crois pas que ce samedi, je serai disponible. Donc, je vais vous communiquer cela. Donc, pour répondre à cette préoccupation, c'est cela est très important pour ne pas confondre. Donc, le peuple nubien, un peu comme le peuple hébreu, ils étaient un teint clair. Mais en tout cas, tous, ils ont hérité de l'Égypte. Et l'Égypte, vous l'avez suivi au cours de mon développement, c'est la même terre. C'est le même peuple qui a vécu là, sauf ceux qui étaient du côté du sud et vers les zones de Madagascar, ce qu'on les appelle les Poutous, qui également ceux qui étaient du côté des Hindous, de Hindi Kush. Donc, Hindi Kush, ce sont ceux qui sont partis du côté de l'Inde, qui sont nos frères également. Cette zone environnante, c'était un peu des Nubiens. Mais tout ça, c'est toujours l'homme noir. Quelle que soit la race qui est apparue, elle résulte tout simplement de la dépigmentation ou du mélange. Je répète, quelle que soit la race qui est apparue sur Terre, en dehors de la race noire, de la peau noire, ce n'est que cette race existe soit par une mixture, comme ça s'est passé par la domination grecque. Au cours de mon exposé, j'ai parlé de ça, la domination romaine et grecque, qui a entraîné des peuples mixtes au niveau de l'Égypte, d'où on a vu des Égyptiens qui, pour la plupart, sont des métissés. Mais au niveau de la capitale, Alexandrie, ils étaient tous des métissés. Mais allez-y vers le sud de l'Égypte, où il y avait plus de 7 millions. Parce qu'au sein du temple et dans la zone de l'Alexandrie, il y avait 300 000 âmes qui vivaient là. Mais la plupart, 80% de ces âmes-là, c'était des blancs, c'était des mixés. Et comme je vous l'ai dit, ce type de Ptolémée Sauter, qui est soi-disant le sauveur, qui finalement a pris le nom de Jésus-Christ, à partir duquel le nom Jésus-Christ a été créé, le sauveur, le messie et toutes ces histoires-là, celui-là, il était un blanc, un grec. Et c'est lui qui s'était autoproclamé comme pharaon. Donc voilà le premier pharaon blanc qui s'est implanté en Égypte. Il s'appelle bien Ptolémée Sauter. Donc c'est à cause de lui qu'il y a eu un mélange de races dans la zone de l'Afrique, ou de Kemet, ou encore... Al-Kebulano. Voilà le vrai nom de l'Afrique, Al-Kebulano. Al-Kebulano. Donc, toute la zone de Al-Kebulano, y compris l'Égypte, parce que l'Égypte reste là, c'est là. Je ne m'en vais nulle part, mais je suis simplement les consignes de ma secrétaire, parce qu'elle doit me faire le timing pour arrêter, parce que j'ai... Ils m'ont dit qu'il ne faut pas que j'aille au-delà de 1h30. Donc, je crois que je respecte cela. Mais sinon, je suis là. Si vous voulez me poser des questions, ce serait mieux de les poser sur mon inbox. Et je vais répondre. Parce que chez moi, il est 17h18 chez moi. Et je sais que chez vous, il se fait tard. Mais c'est une question d'administration. Je dois respecter les consignes. Je suis surveillé par un groupe qui me dit, bah, écoutez, il est top. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît. Oh, Al-Kebulano, le nom de l'Afrique. Ok, prenez note. C'est A-L-K-E-B-U-L-A. Al-Kebulano. Al-Kebulano, je répète, A-L-K-E-B-U-L-A. Voilà, c'était ça. Ce n'est pas Ar, c'est Al. Al-Kebulano, voilà, vous enlevez le R et vous gardez le reste. Enlevez le R, vous gardez le reste. Al-Kebulano, ça c'est le nom de l'Afrique. C'était ça, le véritable nom original. Donc, et vous avez sûrement appris, je vous ai parlé de comment il s'appelle, je vous ai parlé également de Nimrod. Ça, c'est... Bon, est-ce que les Fang sont des Bantous? Non, c'est des Égyptiens purs. Ah là là. Les premiers Fang et les premiers Tsogo, ce sont des Égyptiens purs. Ok? Ils sont des Alkboulan. Et ces premiers Alkboulan nous descendent de Jubal. Le peuple Jubal, qui est décrit dans le livre de Genèse. Faites vos recherches. Jubal, le premier créateur de la sitar et de la harpe. Et c'est d'ailleurs, c'est ce peuple qui avait fabriqué la harpe que Salomon et le roi David jouaient à son palais royal. Vous voyez, le peuple Jubal. Et c'est ce peuple-là que les Tsogo et le peuple Fang, qui étaient tous, d'ailleurs, ils étaient autour du temple, parce que c'était leur rôle dans le temple, c'est de jouer, n'est-ce pas, ces instruments. Donc, c'est de là où, je crois, nous avons hérité de notre tradition Bwiti. Bwiti Mitsogo, Bwiti Fang. C'est la même chose. Parce que la configuration, comment dirais-je, symbolique, et tout ce que nous voyons autour du temple, hein, toutes ces histoires-là, ça vient tout droit de l'intérieur du temple d'Égypte. Y a-t-il un support qui atteste ou retrace l'histoire de Alkboulan, donc l'histoire de l'Afrique en émo? Ah, mais oui, nous avons des documents. Hein? Écoutez, vous avez les éminents professeurs. Christophe, je ne sais pas quel est son nom, le professeur congolais, là. Il peut vous retrouver les vieilles cartes d'Afrique d'avant. Moi, c'est mes références que je vous donne. Parce que nous avons, plus de milliers de professeurs agrégés de l'histoire qui ont fait des voyages vers l'Afrique des centenaires, des centaines d'années, des dizaines d'années. C'est parti de génération en génération. Par exemple, il y a un jeune professeur là qui s'appelle Richard et celui-ci. Mais mon Dieu, ma vidéo est déjà... Ah ok, je vois, c'est en live. Hein? Ok, d'accord, je vois ça également sur mon ordinateur. C'est vraiment merveilleux la science. Alors... oui, il y a la possibilité de tracer cela. Et je vais vous dire une chose, ce qu'on appelle en Tsogo, Dias. Hein? Dias. Quand vous rentrez la porte centrale, là, vous voyez une figurine toute blanche qui est représentée au centre du temple. Hein? Donc, dans le yoga, moi qui pratique également le pranayama yoga, le yoga de l'éveil de la conscience, ça s'appelle le serpent Kundalini, le serpent de feu, l'éveil. Donc, chez le Bwiti, c'est également le Diasa, qui est le centre du temple. On retrouve ça également dans le temple d'Égypte. On retrouvait le Diasa. Mais ça a un autre nom, naturellement. Ça, c'est Antsogo. Alors, autre question. Il nous reste à peu près 8 minutes, si je ne me trompe pas. Que le secrétariat me rappelle, est-ce qu'il reste 8 minutes ou pas, hein? Parce qu'à moins que je me trompe, ou bien c'est déjà dépassé du temps, là. Pour que je tire la conclusion. Merci, 8 minutes. Oui, je disais, il y a un support. Les cimetières sacrés. Non, non, non, je ne peux pas rester là pour 2 heures de temps. Oh, pardon, moi je suis le consigne, c'est 2 minutes. 8 minutes. Les cimetières sacrés. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent cimetière sacré, mais un cimetière, c'est un cimetière. Maintenant, il y a dans certains pays, notamment nos pays, chez nous, au pays de Kemet, au pays de Alkboulani. Donc, chez nous, en Alkboulani, nous avons des zones où nous pouvons naturellement, rendre ces milieux-là sacrés. Il y a des rites qui se font. Et ceux-ci, ce sont notamment... Bon, les pyramides en font partie, oui, mais chez nous en Afrique aussi on le fait. Pas au niveau pyramidal, mais c'est surtout pour lutter contre les profanateurs, donc ceux qui veulent profaner les cimetières. Et alors il y a des rites qui se font pour protéger ces zones-là qui ont un rapport indirect parce qu'il y a certaines énergies qui se dégagent de ces cimetières-là. Oh, mais je vous ai déjà répondu, Georges, j'ai dit oui, le Fang et les Tsogo reviennent de l'Égypte. C'est là-bas, ils reviennent. Vous voulez encore que je vous dise quoi? Allez-y, discutez avec un vrai Tsogo, il va vous dire ça. Où se rendre exactement en Égypte? Je ne sais pas, hein, c'est pas votre, je ne comprends pas votre question. Oui, c'est possible, oui. Ça, c'est le rite des ancêtres. Oui, ça se fait comme ça. Vous parlez à travers l'élément feu. C'est pour cela dans le bouti, on nous dit que les quatre éléments qui sont des supports, des supports symétriques et très importants dans la rationalité ou dans le monde rationnel, nous permettent de déclencher certaines forces. Et à travers le feu, effectivement, c'est un moyen de communication. Lequel feu symbolise la lumière. Et la lumière qui est le symbole de la connaissance universelle et de laquelle vous êtes transcendé à travers, notamment, et ça c'est quelque chose que je voulais vous parler, qu'en Afrique, puisque j'ai encore 5 minutes, merci de me poser cette question. En Afrique, le feu est transmis de plusieurs manières. C'est-à-dire la connaissance à travers le feu, donc autour du feu, sont transmis certains savoirs. Par exemple, le peuple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, j'ai vérifié l'information, j'ai dû voyager dans certaines zones, le peuple Manding et le peuple Peul, ils ont une technique qu'on appelle le griot. Et le griot, c'est un instrument de transmission du savoir de la genèse de l'homme et de l'exode et comment la fonctionnalité de la société sociale, sociologique, autant pour moi, psychologique et politique et économique. Et chez nous, les peuples Fang, ils ont également la même technique qu'on appelle l'omvet. L'omvet qui est l'art de transmettre le savoir. Et ceci, les personnes sont initiées dans cet art. Et la sitar qui joue en ce moment, qui m'accompagne dans mon live, en est également un moyen de communier avec les vibrations supérieures afin de m'inspirer, afin aussi de me mettre en connexion avec nos ancêtres, avec les esprits de l'au-delà. Et c'est de la même chose pour le griot. Sauf au Sénégal, le griot est devenu plutôt un moyen d'instrumentalisation, un moyen plutôt de distraction, de danse et autres, qui n'a rien à voir avec le véritable griot original qui a existé depuis plus de 12 000 ans au niveau de l'Afrique. La géométrie sacrée, ça je ne peux pas rentrer dedans. C'est plutôt mystique, je ne veux pas choquer nos amis les maçons. Donc, moi, Nganzambakana, merci beaucoup. Zambakana. Ah là là. Mbombanyange. Mbombanyange, merci. Je vous remercie pour ce temps. Il me reste encore 4 minutes avec vous, avant que je ne tire la conclusion. Quelqu'un me pose la question, est-ce que l'épopée Bouiti Mvet, autant pour moi, raconte des histoires vraies? À 100%, c'est vrai, c'est la vérité. Je ne suis pas un initié du Mvet, mais j'ai des amis qui sont des initiateurs du Mvet. Et j'ai des amis qui m'ont expliqué, et j'écoute souvent Taran Nsour, je l'écoute tout le temps. D'ailleurs, il fait partie, malheureusement, je n'ai jamais fait jouer sa musique ici. Oui, l'on va te dire des histoires vraies. Alors, je crois, ce cher peuple, qu'il est l'heure pour moi de tirer ma conclusion. Pour vous dire, d'abord, que nos frères chrétiens, musulmans, quelle que soit l'obédience religieuse, vous appartenez. Alors, si je vous ai offensé au cours de mon exposé, veuillez pardonner l'histoire. Car je me suis simplement versé dans l'histoire. L'histoire du peuple Kemet. L'histoire du peuple Al-Kalmoun. L'histoire du peuple Hindikush. L'histoire du peuple noir. L'histoire du peuple hébreu. Et nous avons tous appris que les hébreux, ce sont nos frères, c'étaient les noirs. Et lorsque nous sommes partis du roi Salomon, du roi David, Adam, Enoch, Abraham et même Moïse, son beau-père Jéthro, qui était de la Mésopotamie, le prêtre Melchisedec, qui était un noir de pur sang, qui détenait le savoir du véritable Bouiti, qui éveille la conscience de l'homme, celui qui nous amenait dans Mwanga Nzambakana, qui nous amenait dans le Mbombe Anyange, qui nous amena et qui nous amène toujours en liaison directe avec les forces cosmiques universelles. Et j'ai ici par mon message, le message que je veux faire passer. Vous religieux, vous prêtres, vous pasteurs, en me référant aux deux conseils de les deux conseils qui ont eu lieu pour nous imposer les histoires des blancs. Pardonnez-moi, je ne suis pas raciste quand je le dis, mais c'est plutôt une vérité. Donc, ce qui est venu de la Grèce, venu des Européens, parce que l'Empire romain, c'est l'Europe. Donc, vous êtes venus nous imposer vos connaissances et vos savoirs, et aujourd'hui, vous-même les blancs, vous n'êtes même pas majoritaire en train de gérer ces églises, ce sont des noirs qui les gèrent. Vous pouvez nous répondre à cette question, pourquoi? Et aujourd'hui, la Chine, qui est le pays qui devient le premier pays le plus avancé en termes économiques, est en train de battre les Américains. Allez-y, mais comptez le nombre d'églises qui existent là-bas. Allez-y, mais comptez le nombre de pays qui existent en Russie. Allez-y, mais comptez le nombre des églises qui existent au Japon. Mais ce sont des pays qui sont en train de se développer et d'avancer. Peuple gabonais, il est temps que vous vous éveillez. au lieu de venir nous christianiser nos réalités, au lieu de venir nous démoniser, au lieu de venir dire que le bouti, l'initiation, c'est diabolique, au lieu de dire que c'est démoniaque, s'il vous plaît, éveillez vos consciences. Comprenez très bien, puisqu'il y a certains parmi vous, prêtres, pasteurs, qui s'initient en cachette, et j'ai des nouvelles, et je le sais. Depuis ici, j'en ai envoyé, j'en ai recommandé. Au lieu de jouer l'hypocrisie, dites la vérité au peuple, et dites-leur ceci, que la religion que nous suivons, certes, c'est la religion des Blancs, mais selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, nous sommes là pour le savoir. Nous récupérons ce qui est bon et ce qui ne nous convient pas, on rejette. Mais entre-temps, nous devons être enracinés. Nous devons également nous ancrer dans nos traditions à nous, nos traditions africaines. Car ce sont les sources, la source du monde, du savoir universel vient de l'Afrique. Et c'est de là où tout a été modifié, à partir de l'an 305, par un certain Ptolémée Soter, celui qui, soi-disant, a été appelé le sauveur, un grec qui est venu tout arracher, qui était devenu le premier pharaon en Afrique. Et celui-là même qui est venu modifier nos connaissances et les exporter. Et aujourd'hui, ils font le contraire, c'est de nous imposer ces choses, alors qu'eux-mêmes, ils savent que la véritable connaissance se trouve dans nos veines. Peuple africain, réveillez-vous. Il est grand temps que vous vous initiez. Il est grand temps, par tous les moyens et connaissances, allez-y. Je vous remercie beaucoup. Que Nzamba Kana vous bénisse. Que Nzamba Kana vous bénisse. Mbombe Anyange. Mwanga Nzamba Kana. Netete Anyonga. Netete Anyonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.